Vraiment facile cet exercice. Je vais le faire en une heure. Il a mangé 3 croissants en 2 minutes. Des coureurs cyclistes font le Tour de France en 3 semaines. En 2 mois, j'ai grossi de 10 kilos. Si vous voulez maigrir de 5 kilos en 2 semaines, faites un régime. Il a appris à parler français en 6 mois. En 2 semaines, j'ai gagné 5 000 $. Jules Verne a écrit « Le tour du monde en 80 jours ».